Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos et que pour elle t'as mis le turbo et que sans elle personne te trouve beau. Pour voyou, on sait que t'es un mytho. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos et que pour elle t'as mis le turbo et que sans elle personne te trouve beau. Pour voyou, on sait que t'es un mytho. Et tu sais qu'en vrai t'as Nadal, fait la bella, mais c'est la cata, elle fait des manières. Mais tous les mecs chez moi connaissent sa carrière. Et non, Non, des lèvres régulières. La mise à la pas un, les vêtements sont pas les tiens. Rappas jusqu'à demain, c'est comme ça souvent, t'es pété souvent. Et vous les mecs en boîte, vous aimez trop les meufs en vrac. Et vous les mecs en boîte, vous aimez trop les meufs qui craquent. Et vous les meufs en boîte, vous cherchez que les meufs qui claquent. Et vous les meufs en boîte, vous aimez trop les cartes black. Mais t'aimes trop les meufs siliconées. Ouais, t'aimes trop les meufs qui aiment la monnaie. Ouais, t'aimes trop les meufs siliconées. T'aimes trop les meufs sans conner. Hey, hey. Pas les mêmes, t'as pas les mots. C'est dans mes veines, j'aime trop la maille. Tout ça t'as vu où ça mène. Ce soir c'est nous les plus cotés. Des rimes qui restent dans ta tête. La concu, on l'a siroté. Mi amigo, ce soir c'est toi qui vas gigoter. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos. Et que pour elle, t'as mis le turbo. Et que sans elle, personne te trouve beau. Pour voyou, on sait que t'es un mytho. Je me sens frais, ce soir je suis en balade. Dans les rues de Paname ce soir. Cherche pas, je suis pas là à voir. Allez bon, tu veux pas de michto, ouais, cache ton cash. Hey, hey, cache ton cash. Tu veux pas de michto, ouais, cache ton cash. Hey, hey, ouais, cache ton cash. C'est pas la peine de parler de mon cash. Je veux pas d'elle, j'aimerais qu'elle se détache. J'ai pas le time, pas la peine, je cours après la maille. Le mini, c'est le minimum. Et venga, venga, hey. J'suis dans le bendo, bendo, hey. On veut pas de superstar, non, on veut pas de super-héros, hey. Pas les mêmes, t'as pas les mots. C'est dans mes veines, j'aime trop la maille. Tout ça t'as vu où ça mène. Ce soir c'est nous les plus cotés. Des rimes qui restent dans ta tête. La concu, on l'a siroté. Mi amigo, ce soir c'est toi qui vas gigoter. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos. Et que pour elle, t'as mis le turbo. Et que sans elle, personne te trouve beau. Pour voyou, on sait que t'es un mytho. Et je sais que toi t'aimes trop les bimbos. Et que pour elle, t'as mis le turbo. Et que sans elle,